Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Non Essentiel, votre émission culturelle chaque semaine sur Radio No Culture, comme vous le savez, parce que je le répète à chaque fois, ça commence à être un peu redondant d'ailleurs, peut-être que je vais arrêter si jamais j'arrive à trouver une phrase d'accroche un peu différente, on verra ça. Cette semaine sur Non Essentiel, on va parler d'un film, comme il y a quelques semaines avec Bichente Ribrin. Cette fois-ci, je ne suis pas avec Bichente, je suis avec Gwendoline Poncelet. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va ma foi fort bien. On allait voir un film qui était très attendu ici au Pays Basque, puisque nous sommes au Pays Basque, qui s'appelle Les Sorcières d'Aquelarre, qu'on est allé voir. Alors moi je l'ai vu, là je sors de la séance, ça fait quoi, 2-3 heures que je l'ai vu. Toi c'était il y a un peu plus longtemps? Moi ça fait quelques jours, mais c'est pas très long non plus. C'est encore frais en ta tête? Tout à fait. C'est un film de Pablo Agüero, qui est argentin. Je vais peut-être vous détailler un peu comment ça lui est venu de faire ce film-là, après le générique. On prévient tout de suite qu'on va spoiler évidemment comme des bâtards, puisqu'on est là comme pour une mission de entre une demi-heure et une heure à peu près. On sait pas trop combien de temps ça va durer, on verra bien. Donc juste sans spoiler, en un mot, est-ce que tu conseilles d'aller voir ce film ou pas? Tout à fait, pour plein de raisons différentes, pour des raisons historiques, pour des raisons féministes, des raisons cinématographiques, parce que le film est bien fait, allez-y. Voilà, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec ça. Allez le voir, en plus, il y a des moments qui sont vraiment, vraiment assez prenants, donc je pense qu'il faut le voir en plus au cinéma, plutôt que d'attendre de le voir sur Netflix ou un truc comme ça. Voilà, donc pour ma part, c'est aussi un oui. On est à deux oui, pour l'instant, on est à 100% de oui. Je vous rappelle qu'on va spoiler absolument comme des chiens après le générique. Alors vous avez quelques secondes pour quitter cette émission si vous n'avez pas encore vu cette émission, si vous n'avez pas encore vu le film, ou que vous n'avez rien à faire de vous faire spoiler, même si ce serait dommage parce que le film est bien. Ben voilà, vous avez quelques secondes pour vous retirer, pour aller voir le film et pour revenir écoutez ce petit podcast, on va dire, cette émission de radio que vous pouvez retrouver sur archive.org en tapant Non Essentiel, et d'ailleurs vous pouvez retrouver toutes les émissions de Non Essentiel sur ce site là voilà, c'est parti. Quelque chose à dire avant qu'on passe à la partie spoiler, Gwendoline? Rien de plus, allons-y. C'est parti, et bien générique alors. Non Essentiel, la valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non Essentiel. Du jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renault sur certaines chansons. Connard de virus. Donc aujourd'hui, on parle des Sorcières d'Aquelarre. Le titre original, c'est tout simplement Aquelarre. Voilà, toujours cette manie des Français, toujours avoir besoin de rajouter quelque chose. Aquelarre, c'était très bien, je sais pas ce que t'en penses. Aquelarre, alors moi j'ai eu l'explication de ce que c'était, mais sans explication, je pense que sans être bascophone, ça manquait peut-être un peu de sens. Mais ça t'a donné envie d'aller voir le film parce qu'il y avait écrit Sorcière avant? Non, parce que j'ai eu le titre et l'idée du contenu du film en même temps, donc c'est l'histoire du film qui me donnait envie plus que le titre en soi. Mais je peux comprendre que pour pouvoir le diffuser, c'était pour une fois, parce que je suis d'accord avec toi sur l'idée principale, mais pour une fois, c'était peut-être pertinent d'améliorer le titre pour les francophones. Les Sorcières d'Aquelarre, donc de Pablo Agüero, qui est un réalisateur argentin, c'est son cinquième film. Et effectivement, c'est pas un film basco-basque, comme je le dirais. C'est un film donc techniquement qui est produit par la France, enfin qui est français, espagnol et argentin, d'un réalisateur argentin qui n'a pas a priori pas d'ascendance particulière basque. Il a un certain mal quelque part, hein, comme la moitié des gens en Amérique du Sud. Mais sur ce coup-là, c'est pas ça qui l'a motivé. Apparemment, de ce que j'ai lu, c'était au Festival de Cannes 2009, quelque chose comme ça, qu'il a entendu parler d'un film sur les sorcières, et il s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on parle souvent, tout le temps, des sorcières d'un point de vue de l'Inquisition espagnole, et jamais du point de vue des sorcières. Ou au pire, du point de vue de la population qui va se poser des questions en ne sachant pas comment situer entre les personnes accusées de sorcellerie et l'Inquisition venue pour les arrêter. Mais effectivement, le point de vue des sorcières en soi est rarement montré, et encore moins de façon objective. S'il est montré, généralement, ça va être dans de la science-fiction et du fantastique. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, après avoir discuté avec cet autre réalisateur, dont je ne me souviens plus quel film c'était, il s'est posé la question. Il a commencé à faire des recherches et est tombé sur les écrits de Pierre Delancre, qui était je ne sais pas si on peut dire un inquisiteur français, parce que je ne suis pas sûr que les inquisiteurs étaient bien et bien français. On attribue souvent l'inquisition à l'Espagne, mais en France, il existait. Gwendoline, je crois que tu as la réponse. Pierre Delancre était bien français, et il bossait pour le roi Henri IV pour le Parlement de Bordeaux à l'époque. Est-ce qu'on peut le décrire comme un inquisiteur, dans le sens inquisiteur espagnol, comme on a tous l'image de l'inquisiteur espagnol qui crame des sorcières. Alors, j'ai plus les informations exactes, mais il me semble que c'était pas tout à fait de l'inquisition à proprement parler. Donc Pierre Delancre, d'ailleurs, c'est un personnage historique qui a vraiment existé. Dans ce film-là, c'est, on va dire, l'antagoniste principal, même si le personnage est quand même extrêmement remanié. C'est plus une inspiration dans ce film-là que le vrai personnage qu'on voit. Pour faire le synopsis en quelques mots, 6 jeunes basques qui sortent d'adolescence, ils doivent avoir 17-18 ans, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est dit dans le film. Il y en a une qui est vraiment plus jeune. Les autres doivent être par là, 16-18 ans, quelque chose comme ça, j'imagine. Au physique des personnages, ouais. Oui, mais c'est vrai que c'est pas précisé. Et puis, vu l'époque, pour nous, en regardant le film, c'est peut-être dur d'avoir une estimation juste de leur âge aussi. Donc, on a ces six jeunes masques qui se font emprisonner par l'inquisition espagnole et qui, voyant bien que de toute façon, quoi qu'elles disent, elles seront prises pour des sorcières et cramées, elles décident de jouer le jeu. Pour essayer de gagner du temps, à un moment donné, en espérant peut-être l'arrivée des hommes, des marins qui doivent arriver quelques semaines après. En gros, c'est ça. On les prend pour des sorcières, alors elles vont devenir des sorcières. Tout à fait. Elles, sachant qu'en suivant les personnages, on voit bien que elles connaissent d'ailleurs très peu de choses, elles, sur la sorcellerie avant le début du film. Donc c'est vraiment de l'improvisation. Et c'est une part, alors il y a une part historique et une part un peu légende, disant effectivement que, étant vu que ça concernait beaucoup de villages de marins, le retour des marins souvent avait limité justement cette chasse aux sorcières, ce qui est en partie vrai, mais pas tout à fait non plus. Mais du coup, le film reste quand même basé sur des faits historiques là-dessus. Parce que là, on parle de, je crois que c'est 1600 et quelques. 1609. 1609, exactement. Donc là, c'est l'époque des grandes chasses à la baleine aux Pays-Bas, sur la côte basque. Une énorme partie des hommes sont partis chasser la baleine. Leurs femmes, leurs enfants et les mères sont restés là pour préparer tout ça. Ce qui fait qu'effectivement, elles sont un peu à découvert. Voilà, après, les hommes partent, on va dire en moyenne, à peu près 6 mois par an pour la chasse à la baleine, sachant qu'ils vont jusqu'au Canada, jusqu'à Terre-Neuve. Donc, l'organisation de ces villages-là s'est faite autour de ça, ce qui n'a pas posé problème au niveau local. Les femmes avaient leur place et les femmes étaient tout à fait aptes et savaient tout à fait se débrouiller sans les hommes pendant le temps de leur départ. Là, on va surtout, sur les 6, il y en a une qui est, on va dire, qui a la langue bien pendue, qui s'exprime bien, qui sait raconter des histoires. Et donc, c'est Anna, qu'on va suivre surtout pendant du tiers du film, plutôt, parce qu'au début, elles sont mêlées. Il y a Anna, il y a sa sœur Maria, elles sont donc 6, cousines, amies, etc. C'est surtout Anna qu'on va commencer à suivre à partir du tiers du film à peu près, parce que c'est elle qui aura l'idée, qui va essayer d'embobiner les inquisiteurs pour gagner du temps et ainsi peut-être pouvoir s'en sortir. Même si, on spoil, on rappelle, depuis le début ça pue du cul quand même. Depuis le début du film, on sent bien que ça pue du cul, quoi. Alors, on sent effectivement qu'elles sont mal barrées depuis le début, sachant qu'au départ, quand elles se font arrêter, elles savent absolument pas pourquoi elles se font arrêter. Elles pensent à un vol de chèvres au début, donc ce qui est très concret et qui n'a rien à voir avec la raison officielle de leur arrestation. Et effectivement, il y en a une qui a, on nous le montre rapidement, qui a la langue bien pendue, qui sait raconter des histoires. Mais effectivement, le fait d'avoir ce groupe de femmes de caractères différents était intéressant aussi pour montrer la réaction des différents personnages face au même problème, où on voit qu'elles ne réagissent pas toutes de la même façon, de savoir et puis de trouver la solution à ça, quelle est la meilleure réaction à adapter face à cette arrestation surprise, on va dire. Ouais. Ben oui, complètement surprise, parce que comme tu disais, elles ne savent même pas à quoi s'attendre, elles ne savent même pas... on leur parle de sabbat, on leur parle de sorcière, etc. Elles ont entendu parler vite fait, elles ne savent pas vraiment comment réagir face à ça. Du coup, évidemment, en face, on a surtout Pierre de Lancre, qui est donc le juge, qui va beaucoup en jouer, qui lui a... on sent que c'est un homme bourru, un homme qui a vu passer pas mal d'années, qui est aussi assez fatigué, j'ai l'impression, de cette chasse aux sorcières. Il commence à, lui et son bras droit, surtout son bras droit, commence à se demander si ça existe vraiment, parce qu'après des années, enfin après des mois plutôt, ils n'ont pas vraiment eu de preuve que le sabbat existait, mais bon, c'est des ecclésiastiques, ils y croient parce qu'on les a envoyés faire ça, et surtout on les a envoyés cramer des sorcières coûte que coûte, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que Pierre de Lancre était convaincu de l'existence des sorcières, que justement ça a motivé ses recherches et ses questionnements. On peut rappeler au passage que Pierre de Lancre nous a écrit le magnifique Malleus Maleficarum, qui à l'époque était un bouquin complet expliquant à chacun comment pouvoir reconnaître une sorcière. Je pense qu'il y a consacré à peu près toute sa vie à ça et que lui n'a jamais lâché l'affaire. Ce qui est fantastique dans le film, c'est que quand on voit les interrogatoires, on voit bien qu'effectivement, par contre, comme tu le disais, les jeunes filles arrêtées n'ont quasiment aucune idée d'abord de ce qu'on leur reproche, et que même quand on leur parle de sorcellerie, elles ne savent absolument pas quoi répondre à ça, leurs idées sont très vagues, et c'est justement ce cher Pierre de Lancre qui va leur tourner les questions de façon à imposer leurs réponses, et il répond presque à leur place, et elles n'ont plus qu'à dire oui ou non à la fin de la réponse, quoi. C'est ça, on sent que c'est des jeunes filles face à un mec habitué à la rhétorique, et que dès le début elles n'ont aucune chance. Ouais, tout à fait, c'est fini. Bon, le truc évident sur ce film, c'est bon, l'aspect très féministe, évidemment. Enfin, c'est une métaphore filée, métaphore non cachée, très filée pendant tout le film, sur le fait que, évidemment, c'est des hommes, les ecclésiastes qui crament des femmes, des jeunes femmes surtout. Et c'est explicitement dit que dans le film, le problème de ces femmes-là, c'est qu'elles sont jeunes et belles. Donc. Tentatrice, donc libre, donc enfin, vous avez compris l'idée, et que c'est donc tout ça une tentation de Lucifer. Et donc tout l'aspect féministe évidemment du film qui est extrêmement intéressant, qui en fait est une. Qui est très. Très comparable à ce qui se passe aujourd'hui, à cette chasse aux sorcières constante qu'on a tout le temps, quoi, moi, qui m'exaspère au plus haut point. Le dernier que j'ai vu, moi, qui m'a un petit peu étonné, c'est par rapport à l'Afghanistan, quand on demandait aux féministes pourquoi elles n'ont pas marché pour les femmes afghanes, alors que bon, personne n'a fait à côté, mais bon, puisque c'est des féministes, elles sont obligées de faire, ce que par ailleurs elles ont fait quelques heures après seulement. Voilà, donc j'imagine que tu as mieux en parler que moi. Alors, mieux, je sais pas, je suis pour le partage d'idées. Par contre, effectivement, le côté féministe est mis en avant parce que de toute façon, c'était concrètement le cas déjà à l'époque pour la chasse aux sorcières. Hein. Bizarrement, si c'est des hommes qui restent seuls 6 mois, ça ne pose problème à personne, alors que des femmes, nous avons clairement un problème. Rappelons qu'au cours du film, on apprend qu'elles sont fait arrêter spécifiquement ces 6-là. Parce qu'elles sont parties dans la forêt prendre quelques champis et s'amuser entre elles. Officiellement, c'est ça. Après, pareil, sur les faits historiques, on sait aussi que la chasse aux sorcières, de toute façon, se passait beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une première personne qui était dénoncée, parfois pour des vrais doutes, souvent parce que le voisin ne l'appréciait pas, ou des problèmes de territoire ou de descendance ou quoi que ce soit. Donc la première personne à pouvoir être accusée, c'était parfait. Et que les gens, pour arriver à s'en sortir, la meilleure chose qu'ils avaient à faire, c'était d'en dénoncer d'autres. Donc on sait qu'on parle effectivement de leur sortie dans la forêt, mais il y a de fortes chances pour que soit un voisin quelconque qui l'ait dénoncé. Et on a très peu d'histoires sur le pourquoi elle au final. Et ils partent avec très très peu de choses au départ pour lancer leurs interrogatoires. De toute façon, ils sont là pour trouver des sorcières. Peu importe si ça existe ou pas, ils sont là pour en trouver, surtout donc le juge de l'encre, qui est donc le chef de ce groupe d'inquisiteurs. Ouais, voilà. En fait, dès le début, on sent que c'est... D'ailleurs, au cours du film, il y a une autre jeune fille du village qui vient essayer de leur apporter des informations de la part de leur grand-mère et qui se retrouve incarcérée avec elle et accusée de sorcellerie au même titre, alors qu'elle venait juste apporter une information. Donc, toute nouvelle personne à arrêter sous quelques prétextes est bonne à prendre dans tous les cas à cette période, quoi. Au cours du film, on voit aussi Anna, donc celle qui a langue pendue, réussir à un peu inverser la tendance, à quelque part hypnotiser, comme on dit... Pierre de l'Ancre. Oui, hypnotiser Pierre de l'Ancre, mais le mot juste serait pas hypnotiser, le mot juste serait ensorceler Pierre de l'Ancre, qui en fait a tellement envie de trouver des sorcières qu'il gobe tout ce qu'elle lui dit, parce qu'en plus, évidemment, elle le dit bien. J'ai beaucoup aimé le montage parallèle où elle raconte comment elle a fait un sabbat, et en parallèle on voit ce qui s'est vraiment passé, ce qui sont deux choses complètement différentes, mais elle pioche des éléments de la réalité pour intégrer pour inventer son histoire au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé ce passage là qui très bien, qui à la fois nous raconte ce qui s'est vraiment passé et à la fois nous fait comprendre que elle les maligne et que lui se fait avoir assez facilement. Quand son bras droit a émis quelques doutes quelques mois après, et c'est là aussi où ça commence à avoir des relents machistes, érotiques, assez sales, où on voit que lui en fait il commence à la désirer, quoi. Il commence à désirer elle jeune fille sortie à peine de la puberté, et où on sent aussi que c'est peut-être aussi ça qu'il est attiré aussi par ça lui-même. Je pense que Pierre de l'Ancre, étant de toute façon passionné de la sorcellerie pour sa chasse aux sorcières, est très, très intéressé par ce sujet-là de base. Je pense qu'il y croit et que ça joue là-dedans. Et c'est une chose que moi j'ai beaucoup aimé dans le film, sachant que du coup le tout début c'est une arrestation totalement arbitraire de ces jeunes filles avec le plein pouvoir des hommes qui les arrêtent et les mettent en prison. Et on voit justement au fur et à mesure où Anna commence à raconter son histoire et à jouer son rôle, on voit justement au fur et à mesure du film une inversion de la prise de pouvoir, et qu'au final quand elle décide de jouer son rôle de sorcière, plus elle rentre dedans, plus c'est elle qui prend le pouvoir sur Pierre de l'Ancre, qui, comme tu le dis, se fait ensorceler, et de voir au final à quoi tient le pouvoir dans cette relation, parce que lui a les pouvoirs légaux, mais au final elle est capable de tellement le captiver, et lui y croit tellement qu'il y a un moment où elle finit complètement par avoir le dessus juste par ses récits et son aplomb. Et ça, c'est fantastique. Pour mettre un peu de formalisme, le film est presque un huis clos. Je dirais tout se passe, la majorité de l'intrigue se passe dans un monastère, dans une église en tout cas. Il me semble que c'est un monastère qui accueille... Je suis même pas sûr que ce soit pas une habitation réquisitionnée. Ouais, mais c'est réquisitionné, c'est le prêtre qui les accueille au début du film, donc je me dis que c'est un monastère, en tout cas c'est un château, un monastère, quelque chose comme ça. Quasi totalité se passe entre donc le cachot. Je ne suis pas sûr que c'était un cachot à la base, mais enfin la pièce où sont enfermées les filles. Et donc les moments d'interrogatoire, il y a un peu de moments de souper entre le prêtre qui les accueille, qui est donc du coup un mec du coin qui parle basque, comme les filles d'ailleurs qui parlent basque pendant le film, et du coup les autres qui parlent que espagnol évidemment. Et en fait la quasi-totalité du film se passe au sein de cet environnement. Qu'on sent d'ailleurs, évidemment, qui est aux mains de l'Inquisition. Et du coup, c'est quand même un film avec assez peu de moyens, mais qui raconte une histoire, une petite histoire dans la grande, comme on dit. Tout à fait. Après, je pense que pour le coup, en plus, historiquement, ce huis clos est assez juste aussi. Je pense que ça renvoie bien la façon dont ça devait se passer, sachant que Pierre Delancre, lors de sa chasse aux sorcières, a fait une tournée au labour. Et je pense qu'ils étaient hébergés à chaque fois dans ce genre de conditions, à part certaines exceptions, genre le château du seigneur du Turbi ou des choses comme ça. Mmh. Mais la plupart du temps, ils passaient de village en village et étaient hébergés comme ça. Et les arrestations et les procès, les interrogatoires se faisaient, à mon avis, assez proches de la façon dont c'est montré dans le film. Oui, d'ailleurs, des jugements qui sont assez hâtifs dans le film. Je crois que ça fait 4-5 mois qu'ils sont là. Ils ont cramé 77 filles, quelque chose comme ça, je crois. Alors, les chiffres sont en général assez exagérés. C'est la chasse aux sorcières en tout a duré à peu près 4 mois au labour. Je ne sais plus comment il le situe dans le film, ça. Mais dans c'est pas vraiment situé où c'est. C'est pas vraiment situé où c'est. C'est sur la côte basque quelque part. Et après, il parle espagnol parce que qu'ils sont espagnols, ça tout de suite, je pense, une aura bien plus que qu'ils sont françaises qui a quand même fait beaucoup moins de dégâts. Sachant que derrière, évidemment, tout le christianisme est beaucoup plus fort en Espagne. C'était les rois chrétiens. On appelait les rois d'Espagne, on les appelait les rois chrétiens, rien que ça. Et puis avec le fameux ici on parle chrétien, quand ça existe encore au Pays Basque, encore des gens qui disent ça, quand quelqu'un parle basque, surtout de côté en France ça se dit pas, l'autre côté quand quelqu'un parle basque et qu'en face c'est un bon gros facho, il peut lui arriver de dire parle-moi en chrétien pour parler évidemment d'espagnol. C'est évidemment un des enjeux de l'histoire, parce que effectivement cette incompréhension des gens interrogés qui parlaient basque a grandement joué dans les procès de sorcellerie, évidemment en défaveur des bascophones. Trop facile, ça. Bah, évidemment. Et je me suis perdu dans le... Tu t'es perdu dans le... C'est pas grave, on peut enchaîner. De quoi on parlait. Oui, j'aimerais qu'on fasse du coup oui, je vous parlais de réalisation avec tout ça, parce que du coup avec ces caméras, il y a quand même assez peu de liberté de mouvement, puisque les lieux sont clos. Quasiment tout est à l'intérieur. Néanmoins, il arrive quand même à faire de jolis plans. Je pense surtout, je pense notamment à un plan où on voit les filles dans leur cachot, qui, si la caméra avait la place, ce serait un cachot de 12 mètres de long, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais ça donne un gros plan d'ensemble où il me semble qu'on les voit complètement abattues. Il y a quelques plans assez beaux dans le film, un des plans de fin aussi. Avec une vue dessus où tout le monde est sur une falaise de nuit, donc avec les torches, etc. Et puis évidemment toute la scène de faux voire vrai sabbat, qui est une espèce de délire psychédélique clipesque presque. Ah oui. Et voilà. Et puis aussi l'espèce de dichotomie qui, je sais pas, bizarrement je me sentais assez bien dans ce château. Il est éclairé très chaudement. Toutes les couleurs du film dans le château sont chaudes, comme si on devait sentir à l'aise, surtout au moment où Anna commence à déblatérer son discours et que en face il est en train de se faire avoir. On se sent à l'aise à ce moment-là. Il y a le feu évidemment qu'à côté, c'est de nuit, il y a le feu qu'à côté, donc c'est une chaleur, enfin c'est une ambiance très agréable, très chaleureuse, et c'est à ce moment-là qu'elle prend le pouvoir. Et c'est une scène que j'ai trouvée du coup presque réconfortante, me disant ah, peut-être qu'elle va s'en sortir. Moi, j'aurais pas forcément interprété comme chaleureuse. Par contre, justement, cette présence du feu au moment de l'interrogatoire, au crépuscule ou au début de nuit, avec le feu dans la cheminée, je me suis plus dit que c'était un prémisse du sabbat, justement, que ça remettait dans un début d'ambiance de sabbat dans le château. Où elle, au final, c'était une façon de visualiser son début de prise de pouvoir avec son récit. C'est vrai que le feu, dès le début, qu'elles sont dans une espèce de cage au tout début, elles arrivent à trouver du feu pour faire un petit feu entre elles, qui est encore tout petit. Avant, effectivement, comme tu dis, après, le pas interrogatoire commence à prendre l'ascendant, c'est un feu de cheminée, et pour finir évidemment sur le le vrai sabbat entre guillemets, où il y a vraiment un feu incandescent. Après, je sais pas si, comment si c'était comme ça ailleurs. Moi, j'ai toujours vu la Kelare comme un grand feu autour duquel on dansait. Je sais pas quelle image tu avais quand tu disais sabbat de sorcière. Est-ce que tu avais une image comme ça ou pas? Effectivement, il y a souvent cette image de feu qui revient. J'avoue que j'ai pas fait de recherche pour savoir exactement si c'était historiquement redondant dans les récits ou pas. Et puis, de toute façon, si c'est lié aux enfers, à Satan, et il y a cette imagerie-là du feu dans tous les cas, de base, pas juste une petite chandelle chrétienne allumée, mais un grand feu. Pour passer à peut-être un autre sujet, j'ai remarqué que Netflix était partenaire du film. Donc, ce qui veut dire qu'il va certainement finir sur Netflix dans les mois à venir. En France, il n'y est pas encore, mais je crois qu'au Québec, il y est. En cherchant un peu sur Internet, il me semble qu'il est sur Netflix québécois, je crois. Alors, si vous avez apparemment NordVPN, comme disaient tous les youtubeurs, vous pourrez peut-être le voir. Cela dit, peut-être que pour un film comme ça, ça vaut le coup de donner un peu d'argent et de le voir au cinéma, d'une pierre deux coups, comme on dit. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Évidemment, l'aspect de la langue qui est assez cool à voir, parce que ça parle évidemment en espagnol et en basque. Dans le film, ça parle en espagnol et en basque. Évidemment, c'est ni l'espagnol ni le basque du XVIIe siècle. Ce sont les langues parlées comme aujourd'hui. Mais c'est cool aussi de les voir parfois parler entre elle et avec le prêtre qui du coup est en basque, et en sachant que les autres ne comprennent pas. Moi qui suis bascophone, je peux faire la différence. Toi qui n'es pas bascophone, est-ce que tu savais à quel moment il parlait basque, à quel moment il parlait espagnol? Alors, je suis pas bascophone, mais comme j'ai l'habitude d'entendre du basque sans le comprendre, je le reconnais assez aisément. On s'est posé la question. Je crois qu'il n'existe pas de version française du film, en tout cas pas à l'heure actuelle. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que pour rentrer dans l'histoire et dans le contexte de l'époque, c'est vraiment important de le garder tel quel. Alors effectivement, à rigueur, remplacer l'espagnol par le français, ça pourrait garder la même idée. Mais c'est vraiment important de les avoir parlé basque entre elles, parce que c'est leur langue de départ au début du film. C'est vraiment, on voit que c'est comme ça qu'elles communiquent, et on voit, ça rajoute le malaise au moment des procès qu'on peut ressentir quand on leur demande de s'exprimer dans une autre langue. Et encore une fois de plus, dans le film, les personnages ont la capacité de parler l'espagnol quand on leur demande, ce qui n'était clairement pas le cas de chacune des personnes arrêtées au moment de la chasse aux sorcières en 1609. Et je pense, à un moment donné, on lui demande de lire un truc, elle refuse, ou en tout cas, elle refuse clairement. Je pense que c'est parce qu'elle ne sait pas lire. On le voit quelques scènes après, quand on lui demande de signer et faire une simple croix. Je pense que c'était pas des gens extrêmement instruits. Toutefois, dans le film, en tout cas, il parle espagnol et français par obligation. D'où le fameux aussi, si on parle en chrétien. J'aimerais faire... Oui. Le basque, c'était une des facilités pour les procès aussi, n'étant absolument pas compris par les gens venant d'ailleurs, ce qui reste quand même encore beaucoup le cas aujourd'hui, était forcément facilement désignable comme une langue de sorcellerie. Et je pense que c'est effectivement des notions qu'on peut, comme tu le disais tout à l'heure, avoir encore maintenant. Voilà, donc on parle d'Aquelarre. J'aimerais faire une petite pause sur la musique du film, qui est extrêmement présente. Il y a une chanson en particulier qui est répétée tout le long du film. Ce sont des chansons, une en particulier, il me semble qu'il y en a deux ou trois autres aussi qui sont calées par-ci par-là. La musique a été composée par Maite Arrotayaulegui et Arantzazu Kalera, qui je pense est Murchego. Une des deux est Murchego, je pense que c'est Arantzazu Kalera, je ne suis pas sûr de moi. Et les textes sont écrits par John Maya, qui est un célèbre bertsolari basque évidemment. Qui reviennent très souvent sous différentes formes en plus. La musique est vraiment cool, fait partie du récit, parce qu'évidemment quand on danse on joue la musique avec. Et voilà, c'était cool d'avoir aussi cet aspect là de la musique, de l'amusement, de la fête contre tout totalitarisme qui impose d'arrêter de vivre, quoi. C'est, ça fait partie du film et de l'histoire. On voit d'ailleurs que quand elle imagine le sabbat pour la première fois, elle parle d'instruments de musique, de chant. Et au final, ce chant qui est totalement innocent au départ devient au fur et à mesure du récit, leur chant de sabbat, alors qu'il n'a, nous qui avons la traduction des paroles quand nous regardons le film, on voit qu'il n'a absolument aucun rapport. C'est une chanson d'amour un peu naïve même. Oui, tout à fait. Et puis c'était très bien choisi puisque totalement en rapport avec ces femmes qui vivent dans ces villages de marins et qui les représentaient tout à fait et qui étaient juste complètement incomprises par les inquisiteurs en face. Je crois qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu as un autre sujet à aborder avant qu'on se quitte, Gwen? Le film est vraiment intéressant à voir avec un tout petit peu de recul si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment, de potentiellement vous renseigner pour voir les parts de vérité et les parts d'extrapolation du film. On rappelle que c'est une fiction basée sur... pas vraiment sur des faits réels en particulier, sur le contexte historique. Sur un contexte historique, c'est une petite histoire basée sur un contexte historique général qui a duré plusieurs siècles. Donc voilà, quand on parle de Pierre de Lancre dans le film, on dit ça qu'on ne dit pas d'ailleurs Pierre de Lancre, on l'appelle par son vrai nom qui est, je vais retrouver, Pierre de Rostigui, je crois qu'il appelle le duc de Rostigui ou quelque chose comme ça dans le film. J'ai plus le nom exact. Mais il ne semble pas qu'ils disent de Lancre et de Husson. Son nom, on va dire, le plus connu, en tout cas ici au Pays Basque. Voilà, c'est un personnage dans le film imaginé à partir du vrai, ce n'est pas le vrai. C'est bel et bien une fiction. Voilà, peut-être un dernier mot sur ce sabbat complètement envoûtant, où au final, ce qu'on croyait impossible finit peut-être par arriver. Et moi, j'avais envie de finir en disant que... On a des traces écrites de ces procès donc, qui permettaient aussi que le film ressemble assez à la réalité vu que ça, on en avait des traces. Et chose qu'on ne dit pas souvent quand tu parlais de la religion et de l'État espagnol, juste parce que moi je l'ai appris il y a peu, l'Espagne est le premier pays d'Europe à avoir arrêté de brûler des sorcières. Donc voilà, ils ont une image de cathos résistants, ouais, Est-ce qu'ils n'avaient pas une avance aussi pour une avance en quantité de sorcières cramées? J'ai pas les chiffres sous la main, et je peux dire aussi qu'à l'inverse, je sais que la dernière sorcière brûlée en Europe était en Suisse. Chose que je pense on n'aurait pas forcément dit non plus sans savoir. C'est toujours intéressant et de pas partir sur des préjugés forcément. Voilà, donc on vous conseille tous les deux d'aller voir ce film parce que malgré le fait qu'on n'a pas parlé de tout, donc il y a encore des choses à découvrir, mais je pense que de toute façon, dès le début, on savait nous-mêmes que ça puait. C'est effectivement le cas. La première scène est très dure, hein, faut la passer scène, déjà. Ça, ouais, ça s'ouvre tout de suite sur des bûchers, quoi. Le film s'ouvre sur des bûchers. Malgré tout, ça reste un film à voir pour... pas pour ce qui est raconté, mais pour comment on le raconte. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Il est en ce moment à l'Atalante encore pour une ou deux semaines. Il me semble qu'il y aura un ciné-débat au CGR à Bayonne le 20 septembre. Et j'ai vu qu'il avait pas mal tourné aussi parmi les grands médias français. Il y a des articles dans Le Monde, dans Télérama, dans Première, donc ça a pas mal tourné. C'est pas juste un film basco-basque comme je disais, c'est un film argentin par un réalisateur argentin, donc il s'adresse vraiment à l'international et il est vraiment diffusé dans toute la France, puisque moi par exemple j'ai vu que Jack Parker, une écrivaine française que je suis et qui est basée sur Paris, a été le voir comme d'autres personnes aussi. Donc il a été vraiment diffusé partout et recommandé par beaucoup de monde. Je crois qu'il est assez bien noté un peu partout. Oui, c'est cool. C'est vrai qu'au début, ça fait peut-être un poil cheapos, j'ai trouvé, au tout début. Mais plus ça va, plus on se met dans l'ambiance et plus en fait le film déroule avec quelques scènes un peu dures. Faut quand même le dire. Voilà, pour finir avec cette émission, la toute fin du film, tu t'en rappelles? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, j'ai été frustrée parce que j'en aurais bien voulu un tout petit peu plus quand même après pour savoir. Et d'un autre côté, je comprends totalement le choix qui a été fait pour la fin. Et oui, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette fin qui donne pas vraiment de réponse, enfin, même si on s'en doute un peu. Mais j'ai trouvé ça bien qu'il ne montre pas ce qui se passe, qu'il laisse finalement les filles aller à leur propre liberté, même si c'est par la mort. Oui, j'interprète comme ça, évidemment. Mais c'est un peu. On va pas vous montrer la mort de ces filles, on va vous montrer comment elles arrivent à se libérer de l'Inquisition. Puis on reste sur un. Ces filles avaient le choix d'espérer encore un peu ou de se sacrifier. Et on voit la réaction aussi en face de Pierre de Lancre et du reste des inquisiteurs qui sont stupéfaits de leur choix et qui, au final, sont tellement pris par tout ce qu'elle venait de leur montrer qu'ils n'arrivent pas à en sortir, ou ils restent dans cette sorcellerie. Ouais, et j'avoue que moi, le premier, après être sorti du cinéma, j'étais encore pendant quelques temps, je ne sais pas si je dirais sous le choc, mais quand même assez pris dans le film, à ressentir encore toute l'ambiance de ce dernier quart d'heure, peut-être, des minutes en tout cas, qui est quand même assez forte. Quoi. Ouais, il est prenant, c'est... Il est extrêmement bien réalisé. Voilà, on va se quitter là. Gwen, merci beaucoup d'être passée nous voir sur Radio Non Culture, dans Non Essentiel. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli. Et ben, c'est avec plaisir. Encore une fois, on vous conseille d'avoir ce film, en plus pour une fois qu'on parle dans un film international d'un sujet aussi peu exploité que le Pays Basque, ou en tout cas nos petites cultures qui apparemment n'attirent pas grand monde en dehors de nous. Ce que je croyais, peut-être pas finalement, peut-être que les choses sont en train de changer. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous avais promis cette semaine un groupe, mais il y a eu quelques cas de Covid, alors on a dû repousser. Avec un peu de chance, ce sera la semaine prochaine. Je peux rien vous promettre, comme d'habitude, c'est pour ça que je ne vous dis pas ce que c'est. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Salut !